mixed up our CDs because he was singing about fall and vin chaud and skating on a frozen lake. But then luckily he came out. I mean, that le printemps, that of course was his preferred season. Eh bien, maintenant, est-ce qu'on va jouer? Oui, peut-être deux à la fois, pourquoi oui, pas? Oui, oui, ça c'est... Alors, Nana Mouskouri va vous chanter « Voici le mois de mai ». Alors ça, c'est de son disque « Vieille chanson de France », qui est ancien, mais je l'ai acheté dans toutes les formes. J'ai commencé par un LP, ensuite j'avais une bande magnétique, et ceci est un CD. Alors, Nana Mouskouri, voici le mois de mai, M-A-Y dans l'ancien français, et suivi par Cœur de Pirate, une jeune chanteuse qui chante Printemps. Okay, good. Let me give you what I... Oh. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Où les fleurs volent au vent, si jolie mignonne. Où les fleurs volent au vent, si mignonnement. Le fils du roi s'en va les ramassant. Le fils du roi s'en va les ramassant. S'en va les ramassant, si jolie mignonne. S'en va les ramassant, si mignonnement. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Pour lui faire un présent, il les porte à Samy pour lui faire un présent. Pour lui faire un présent, si jolie et mignonne. Pour lui faire un présent, si mignonnement. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici des gants. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici des gants. Tenez, voici des gants, si jolie et mignonne. Tenez, voici des gants, si mignonnement. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Que quatre fois par an. À Pâques, à la Toussaint, Noël et la Saint-Jean. À Pâques, à la Toussaint, Noël et la Saint-Jean. Noël et la Saint-Jean, si jolie mignonne. Noël et la Saint-Jean, si mignonnement. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, y'a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, tu vas renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison. Les oiseaux t'attendent. Tous les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans ta ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Dans un show en été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant d'années plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé aller à ta rencontre, voir si tu as du temps à m'accorder. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné. Le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson seulement. Les branches tombent sur le sol et rien ne peut changer. Dans mes rêves préconçus, je me suis laissé aller. Mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tairai à jamais. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné. Le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné. Le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson seulement. Programming on KFAI is supported by AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Proud to partner with UCARE, the American Diabetes Association, and the Minnesota Department of Health to present Take Control, Prevent and Manage Diabetes. Online at takecontrolmn.org. Well, we are right into the month of May, and this is what Nana Muscoulis sang. Voici le mois de mai. Well, here comes the month of May, or look at the month of May. Then we heard Cœur de Pirate, Printemps, and well, Printemps actually starts on April 21st, but for all practical purposes, it's May that is really the mois de printemps. And then we heard Claude François, who sang the Il y a le printemps au que chante. Well, so all three of them have been singing about printemps and budding sympathies that start to develop, and here you in spring. What is the saying actually? In spring, young folks' thoughts turn to thoughts of love. Yes, exactly. Okay, so this is we are doing. First of all, in this part, we are really getting going on spring and springtime. And we will hear next. Did you tell him about? We had an addition there, Claude François. Yeah, Claude François. Oh yes, I just I didn't mention that. I mean, that was because right, it fits right in there with his song about the. That was a huge hit too. Yeah. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Qui chante, yes. Mm. And so it's spring that sings, and you have singing in the air, and come to the house. And he was probably the biggest star of the 60s. And he, very, mm-hmm. very well, and very nice music. So. And the last one was. That was the last one of the three. Did you announce Cœur du Pirate? Cœur du Pirate, yes, was simply Printemps. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Olaf? Tu expliques, c'était toi qui choisis ces chansons. Là, justement, ce qu'on pourrait faire, on a la nouvelle un peu triste, et c'est que Patachou s'est éteinte il y a quelques jours, donc juste au. En 30 avril, dernier jour d'avril, elle est morte à l'âge de 96 ans. Donc tu penses que c'est quand même, donc chanter ça doit quand même te tenir en bonne santé. Okay, so what we're going to show, present now is we'll have a retrospective of more or less. Of Patachou, and she passed on the last day of April at the age of 96. So she has been one of the foremost singers and cabaret personalities in Paris. Actually, she started out. Also playing in several movies. One was the Femme de Paris of Jean Boyer, and then in 54, the French Cancan of Jean Renoir, which actually was kind of France's very somewhat belated answer to the American hit Moulin Rouge. But anyway, so she was both a comedian and a musician, and then had great success on the small screen. This great success on TV and on various stories, various sequences that passed in the beginning of the 21st century. I mean, so maybe explain her name. Yeah, Patachou. Well, this Patachou means pastry dough, doesn't it? Cake dough. Pastry dough. Pastry dough. Yes, mm-hmm. And the Patachou. That's what you make croissants with. That's what is the milk? No, a lot of butter goes into it. That's right. And it's very flaky, and anyway, she had a place in Montmartre, or on Montmartre, if you want. And basically, she was singing, and the person who really first noticed her was Chevalier, Maurice Chevalier. And he encouraged her to... Maurice Chevalier. Oh, Maurice Chevalier. Yeah. So he encouraged her, and then... And then more or less, she entered this into this bar, whatever it might be, however you want to call it, and basically it was not a bakery, but it was kind of bar. Nightclub, wasn't it? And I never went there. Then and this is where she installed a cabaret, and they called it Chez Patachou, and. It was a very interesting place after World War II, and actually one of the things that they did was they would cut the ties, I mean snip off the ties of the visitors, and then hang them and display them. so that was kind of a interesting little sidelight, and you wouldn't want to go there with your most expensive silk tie. But then the other great influence she had is that she, once she had been discovered and put on her way, she helped many other upcoming singers. And so and among these, I mean, is Jacques Brel, who wasn't well known in 1954. She gave him an opportunity to perform, and she gave him an to sing, and so with others: Guy Béard, Léo Ferré, Hugues Auffray, Claude Nougaro, and she was a very strong force in promoting newcomers. So let's see what we can... J'ai un ancien LP. Il y a Pigalle. Ça va, Pigalle? Oh, yes. Let's hear what D'accord. she has to say. That one. Ancien vinyle. C'est une rue, c'est une place, c'est même tout un quartier. On en parle, on y passe, on y vient du monde entier. Perché au flanc de Paname, de loin elle vous sourit, car elle reflète l'âme, la douceur et l'esprit de Paris. Une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapins, restaurant pour rupins, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. On y croise des visages communs ou sensationnels. On y parle des langages comme à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard camelot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens, chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain.

I mean, well, that was sung by all the great Yeah, exactly, singers. By all of them, exactly. That is Sous les Ponts de Paris, and obviously she talks about les gueux, the beggars who are sitting, or, well, she calls us who are residing in a cheap hotel, and the hotel's name is the Hotel des Courants d'Air. Yeah, the Courants d'Air, hotel of the cold drafts. But in that, you can well say that must would have been cold. But anyway, Paris has changed. I did not see any clochard the last time I was there. Well, they kind of chased them away. They were yeah, but they were part of the city. Right. In the old days, and then they would sleep on the grille de métro, mm-hmm. on the exhaust panels that where the warm air from the metro would air exchange would take place, and that was a warm place in winter. All right, so this was Patachou, and we'll hear more of her, mm-hmm. but now we have. All right, then we have you another song. Well, I have a set of songs dealing with Patachou, and her friends, so to speak, mm-hmm. those whom she helped, and who interacted with her. Oui, yeah. So why don't we start? Donc, oui, la première chanson c'est Bal chez Temporel. Il y avait des balles partout à Pigalle et Montmartre. Et ça va être suivi par Valentine, par Maurice Chevalier. Alors, est-ce que Maurice Chevalier chantait avec elle ou... Non, il n'a pas chanté, je crois c'était pas. C'était lui qui l'a découvert. Mais c'est lui qui l'a entendu et puis il a vraiment encouragé de continuer dans le cabaret. Alors, les voilà. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre, d'une rencontre au bord de l'eau, ne reste que quatre initiales et deux cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos vingt carats qui depuis se sont fait la paix. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelques je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. Pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. Thank you. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin. Et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Hier sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais rempli d'effroi, qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois, elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Well, the next selection of songs that you will hear are organized in such a way that we will hear a song by Fatashu and then by some of the friends that she either sang with or that were influential in her life. So the first one, of course, was Le Bal chez Temporel. Si vous allez chez au Bal de Temporel. So what it is, it's a love story or reminding someone that if you ever go to the dance hall of Temporel, then you'll see, then you remember the trees that were along the river into which we had carved hearts and our initials, and also at Temporel, and those wooden tables, there mm-hmm. are hearts and names in carved in there. So if ever you go, look around and maybe you'll find your carving or your inscription that you did many years ago. So it's kind of a nostalgic reflection. Well, I went dancing on Montmartre, open air dancing, and it was beautiful. Yeah, it's dinner and a dance afterwards. And Patachou is on this little Place du Tertre. Is that... Well, no, she's not quite, a little farther away. I saw her place, but I never was inside. So, no, I mean, it's quite a setup. Anyway, and then the next song you heard was by Maurice Chevalier, because he was the one who... After having heard her sing, he really encouraged her to start singing in a cabaret or in a place, venue, where she could display her talents. So, in this case, Maurice Chevalier is always good for some fun. And the song was called Valentine, and that's the first name of a lady. And the first part of the story goes that how he was so enamored with the girl that looked so nice, and she went down the Rue de Six, and he then made sure that he, even if it didn't go, go directly to where he wanted to go, he would go down the same street and meet her, and by chance. And then as time was going on, he would hold her hand, and then he would risk a little kiss, and so on. And she was absolutely, absolutely gorgeous. So, and here, many years later, he goes down the same street, and all of a sudden, someone taps him on the back and says, "Hello, Maurice, don't you remember me?" And he looks aghast at her and says, "Here's a woman, she looks like a hippopotam." Like hippopotamus. And double chins, and absolutely, well, I mean, we don't need to go into further description of her somewhat exaggerated and anatomy. But so he is totally aghast and says, no, I don't want to. She says, don't you remember me, mon petit loup, my little wolf, my little. That's so sweet. God, he does everything to forget it and get away from as fast as possible. So the next two. Hello. C'est Jacques Brel et Simone, je ne sais pas le nom, c'est pas clair ici. Simone quelque chose, Langlois. Yeah, Simone, Langlois, a lady, peut-être. Yes. Qui va chanter sur la place, et ça va être suivi par Patachou, qui chante avec ce soleil. Esgourdez rien qu'un instant l'aqualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas et n'oubliez pas. Dans la vie, y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Lui aussi était rupin et fringué comme un gandin. Il pionçait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on est peau de balle, quand votre cœur est au clou. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il guinchait dans les salons, il baffrait comme un cochon. Il lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas. Rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, croyez-moi, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Esgourdez tous les galants, soyez fiers de vos 20 ans. On ne les a qu'une fois, et n'oubliez pas. Plutôt qu'une cordelette, me vaut une femme à son cou. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Et voilà, mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, parapara, soin. Esgourdez rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas. Dans la vie, il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il vivait au jour le jour dans la soie et le velours. Il pionçait dans notre cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il becquetait chez des barons, il guinchait dans les salons, et lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas. Rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Pour gagner des picailles, marchant la ronde, on le saluait bien bas. Mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Et se gourdez bien jeunes gens, profitez de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois. Et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Et voilà, mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, padam, padam, pain de soin. Well, now you heard both Patachou and Edith Piaf. They were singing a very famous song, La Goulante de Pauvre Jean. And this is for two reasons. One, for you, this way you will kind of appreciate the different styles. They were, although they were not extremely different between Edith Piaf and Patachou. Somewhat similar. And Edith Piaf, and actually also Juliette Gréco, at one point very much encouraged Patachou to go sing outside the country and have world on tour and world tours, and so they were pretty good friends. And here is both sing La Goulante du Pauvre Jean, and many people wonder what La Goulante means. Well, La Goulante is some kind of, in French, this stands for a somewhat sad song. A complaining song. And what it sings about is that, well, this poor Jean, who no one loves him, and etc., and it doesn't make any difference how much money you have. It doesn't make any difference what position you have. All your life, nothing is worth, nothing will work unless you also have love. So that is the message of La Goulante du Pauvre Jean. Et oui, maintenant, j'ai déjà annoncé, mais les voici encore. Jacques Brel Oui, non, d'abord, c'était Jacques Brel et Simone Langlois, je crois, oui. Sur la place, suivi par Avec ce soleil, Patachou. La place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi sert un jour pareil une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour, et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi sert un jour pareil une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville il fait trop chaud, et pour ne point entendre son chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi sert un jour paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée, et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée. On avait envie de ne pas parler, de boire la vie à petites boulées sous le ciel superbe. Le long du talus, marchant un brin d'herbe et jupe collée, elle regardait d'un air triomphant ce jeune main berbe, encore presque enfant, qui la désirait. Il aurait fallu presque rien, peut-être un geste de lui, un sourire d'elle qui lui dise viens. Il aurait fallu presque rien, peut-être qu'un oiseau s'enfuit avec un bruit d'aile pour que tout soit bien. Pour que par-dessus le toit de l'usine, le long des murs gris, pour que par-dessus la route voisine et ses pavés gris, par-dessus toutes les collines, pour que par-dessus toutes les forêts, pour que monte au ciel sans cloche et sans noce un amour de gosse qui purifierait. Mais c'était déjà deux enfants durcis qui ne croyaient plus n'avoir à se dire que les mots des grands, que la vie déjà broyait sans merci, qui ne savait plus ni rêver ni rire, cœur indifférent. Et ce jour encore, le long du talus, les coquelicots avec les bleuets en vain attendirent une main cruelle qui les cueille. This set of songs, we started out with Brel, and this is because she, Patachou, actually was very active in promoting Brel and Brel and getting and giving him possibilities to sing and to perform, and was definitely instrumental in getting him known. And but then, of mm-hmm. course, Brel by himself was so good. She did so much to promote young singers. Yes, she was truly. But no, she did absolutely. So, and the song by Brel was had to do with the song in the a girl dancing dancing in on a town square, and the people are watching her, and it's the sun is hot, and the beach actually no it's deserted because it's too hot, but this girl dances on in the square. People look at it very well curiously, and then in the end the dog comes in and barks for life because she is leaving and she's left, and so that's the story about the girl in the sun, in the hot sun. And the next one by Patachou, of course, was Avec le Soleil, and she sings also about with the sun and how things how things work on in her relationship, and it's a very typical song by Patachou. And so the two were put together because Brel was one of her protégés. Merci, Olaf. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the program that you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour, Karil. Bonsoir, Olaf. Il est 21h ici à Minneapolis Saint Paul. Et 9h p.m. Oui, les 9h p.m. p.m. 9 p.m. Alors, how about some announcements here? Absolutely. A big deal going on at the Alliance Française. It's the wonderful gala they have every year. It's coming up this Thursday, May 7th. The Spring Gala. And it's going to be a great one. It's they're returning to the year 1975 because they are celebrating their 40th anniversary as a nonprofit and a French language school. The theme will be 1975 disco theme. So there will be music, a DJ, dinner, live and silent auctions. Call in your RSVPs as soon as possible. A little more about this. All proceeds from the gala will be benefiting the cultural and educational programs and will support the goal and mission of the Alliance Française to promote the use and appreciation of French language and French-speaking cultures from around the world. The evening will feature live entertainment by The Currents' Jake Rude, and I love this, the North Star Roller Girls. Then there's going to be a French feast, courtesy of D'Amico Catering, live and silent auctions, and much more. I believe also that Ardena is going to be... She is going to master ceremonies. Yes, master very, ceremonies. Very interesting. Mm-hmm. Since this is a benefit for the Alliance, of course, there is a price tag. You can call us. We don't say price tags on this nonprofit station, but I can tell you if you want to call me, or you can check it out by calling the office of the Alliance, 612-332-0436. 612-332-0436. It's also online at bonjour at AFSMSP. Let's see, is that right? I always get that messed up here. I believe so. Just put in Alliance Française. All kinds of things going on. On Thursday of this week, there is Permanence Consulaire. The French Consul will be here at the Alliance Française. you need to answer and put in a RSVP, a request. There's all kinds of things, I think that's later on in their announcement, that they will do. On Friday at 7 p.m., the Cine Club Euro Channel Short Films Tour. On Monday the 11th at 6, this should be a great panel discussion, call on the future of Europe, led by experimental think tank from the University of Minnesota, featuring a discussion of four major topics threatening the stability of a united Europe. Wednesday the 13th, Les Navigateurs de la Littérature will meet at the Alliance from 6 to 8. That's the intermediate level book club, who are now reading Charlotte by David Fuenquinos. On the 14th, Apéro en Français at the University Club of St. Paul. Classes. Oh, yes, there's great classes at the Alliance. There are five-week classes on topics, and they will soon have French for Travelers on Wednesdays, May 13th through June 10th, 10 a.m. to noon, or Wednesdays, May 13th to June 10th, 6 to 8 p.m. Écriture Créative, Thursday, May 14th, starting for 5 weeks at 6 to 8 p.m. Beginner Semi-Intensive, that's Monday, Tuesday, Thursday from 6 to 9, Wednesday, 6 to 8 on May 11th. Well, they've started, but I bet you could still get in. This is where you immerse yourself in the class, surrounded by French, 4 days a week. Review classes on all levels. Grammar, idiomatics, expressions, negation and article review, and so on. And also the children's camp is coming up soon. If you call them right now, you could probably get a place for children of the very youngest age, I believe, 3 on up to high school. Rochester, Minnesota is going to be showing or having some activities on May 20th at 6 p.m. They will have a film, Amitié Sincère, at the Rochester Public Library, free and all are welcome. Well, here's something about the Consul. Le Consulat Général de France à Chicago vous informe qu'une permanence consulaire aura lieu le jeudi 7 mai de 14h30 à 16h30 à l'Alliance française. Vous pourrez présenter une demande de carte d'identité, inscription pour renouvellement de l'inscription consulaire. Enfin, il y a toute une histoire, une chose. Alors, si vous avez affaire avec le gouvernement français, renseignez-vous, téléphonez à l'Alliance. Here's a new one. Minnesota Office of Higher Education provides stipends on a first-come, first-served basis to cover all or a portion of the direct costs for students in grades 3 to 11 to attend eligible summer academic enrichment programs. Your child may be eligible for a scholarship to participate in a summer camp, a French summer camp. This, too, is online. You can check that out. Guess who's coming to town? Stromae, the guy that was a hit of Europe, and he was sold out last year. He's coming September 22nd at the Myth nightclub. Tickets are on sale now. So if you saw Stromae and want to get a ticket, right there. He is the latest thing. Everyone loves Stromae in France. Lots of job offers for the summer and home stays for French young people looking for homes. You can go online and check that out also. And that's about it. Let's get back to our music, Olaf. Absolutely. And let's get

qu'on a déshabillés par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie, par la vieille qui trébuchant sous trop de poids s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne. Je vous salue, Marie, par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie, par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie. Léo Ferré was one of the artists who worked with Patachou, and who some of his songs that he had created were sung by her. So they were collaborators, and the song by Léo Ferré is La vie d'artiste, the life of an artist, and actually a pretty sad song because he says success has not come, it's been failure. And now I see you're going to go your way, and I'm there's nothing here that can hold you back. So this obviously to the beloved one who's leaving him. And well, here we are. We're going to go on different paths and age or grow old separately. But then he says, well, okay, you can take the record player, and I'll take the piano. Okay, so sad song. But and the next one is by Patachou. Patachou, Hail Mary, Je vous salue, Marie. And she comes up with a large number of situations of the poor beggars that she, the mother whose child just is dying or has died, and then she uses this phrase from the first Hail Mary. And it's kind of a reflective themes, the beggar, the sick, the and so on. It's a very how would you call this? Poignant. Poignant, yes. Mm-hmm. Very very nice. Touching. Here's a couple more announcements. There is going to be a KFAI benefit concert at Landmark Center. Put this on your calendar for June 4th. It's going to be with Ellen Stanley, host of KFAI's Women Folk, and it will include the feature artist will be a singer from Austin, Texas, songwriter Carrie Elkin, joining Ellen Stanley and her group, Mother Banjo. Carrie Elkin has emerged as one of the defining new voices in the world of Texan artists this year. So this is going to be a great one to see. June 4th, we'll recall, bring this back to you again, 6:30 for a social hour, and the performance must start sometime after that, yeah. You can mingle with the artists then. You get a price break if you buy in advance. Important announcement about local singer Francine Roche and Mark Stillman. Francine, a beautiful French-Canadian singer with a lovely voice, and Mark Stillman, a talented accordionist who accompanies him. They will be playing Thursday, May 7th. That's coming up. Tomorrow, yep. That's day after tomorrow at the Honey Lounge from 7:30 to 9:30. There's European dance music, Latin swing, and music from around the world. Honey Lounge is downstairs from the Ginger Hop, formerly the Times, at 205 East Hennepin Avenue in Minneapolis. Their phone number is 612-746-0306 to hear Francine Rush and Mark Stillman. And also they announce on November 7th, Francine and Mark. Well, this must be the past, 2009, my goodness. On Prairie Home Companion, in case you missed the broadcast, you can hear the music at prairiehome.publicradio.org/programs/2009/11/0set/. Well, anyway, that's, if you, you can simply possibly go to ask Honey Lounge. The performers, Francine Rush and Mark Stillman. Oh, they're fun because they always attract a good dance crowd too, don't they? Absolutely, yes. Listening or dancing. Bon, alors qu'est-ce qu'on? Yeah, so let's play. Oh, Francine Rush, on a quelque chose pour elle. Yes. L'âme des poètes, par Francine Rush. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule, les gens un peu distraits en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les. Bien après moi, un jour on chantera cette air pour bercer un chagrin ou quelque redestin. Fera-t-il vivre un vieux mendiant ou dormir un enfant? Tourner un fil au bord de l'eau au printemps sur un fourneau. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère qui ronde gai, qui ronde triste, fils et garçons, bourgeois artistes et vagabonds. Thank you. je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ce lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid n'avait pas belle mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famille et moi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers assis autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, avions tous du génie. Parfois il t'arrivait devant ton chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne de sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Well, we heard two songs by Francine Roche. Francine Roche and Max Tillemann, whom you are will be following in, on May 7th, the day after tomorrow at the Honey, in 7:30 to 9:30, and playing ballroom dance night. So this was just very nice. So she sang L'âme du poète, the soul of the poet, and sings about how his songs and his influence remains long, long after the poet is gone. The other one is La Bohème, Bohemians, or the Bohemian lifestyle. It's a love story, and she sings, we were happy when we actually were in this Bohème lifestyle, and discussed throughout the night at our café crème in the morning. And now she goes past the old residence, the old house, the old address that she, where they had lived, and everything looks very much different and changed. So it's kind of, that's kind of the somewhat sad ending of this song. So I have, well, sad endings notwithstanding, I have something that's, well, if it weren't such a, can you say jerk? Can one say this? Jerk is not a forbidden word on the. It's not. It's not one of the seven forbidden words on radio. No, okay. No. If it hadn't been by them, it would be almost funny. And this is our friend Jean-Marie Le Pen has been suspended from the Front National, his party, mm-hmm. by his daughter Marine Le Pen. And basically, this comes about because he actually frothed around his mouth, had bad things to say about Jews, about right wing Muslims, and just absolutely. So she is trying to bring her party into a somewhat more general. Oh. A middle of the road philosophy, but he is had things to say in an interview. So soon after that, good. I hope they discover. But he doesn't. He does not relent. The party then had a meeting, and a discussion. And he appeared on the scene in a red jacket. I mean, obviously, to attract the TV and hollered and things like this. So the guy is. I mean, the more and more as this goes on, the more clear this is. What kind of a person he is. Even his granddaughter, who was also supposed to be a politician, is kind of disavowing him. And that's not all. He actually has a Swiss bank account with about 2 million euros, mm-hmm. which also came out. But that was not really the reason for dropping him. I mean, that's we don't mind Swiss bank accounts as much as we mind the daughter's racism. She's almost more dangerous because she's smooth. Because she's smart, yes. Yes. And isn't she's as blunt. Exactly. To cover up this nasty pass that her father has. But anyway, so that's Jean-Marie Le Pen. May he not be elected ever. Well, I think his chances are out, but the others could still be come in. Eh bien, alors, encore une chanson? Encore une, oui, laisse chanson. Bon, on va écouter encore une chanson de Léo Ferré. La vie d'artiste, non, n'est-ce non, pas? Non, oh non, c'est avec le temps. Avec le temps. On a déjà écouté La vie d'artiste. Avec le temps par Léo Ferré, suivi par Le piano du pauvre, chanté par Catherine Sauvage. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Ah.

pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à bobards se tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon des java pervers, ce c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce. So we heard the Avec le temps by Léo Ferré, and then Le piano du pauvre. And Avec le temps du Léo Ferré, as said, he was collaborating a lot with Patachou, and Avec le temps is a sad kind of a song. With time, everything goes away. I mean, everything, you forget the face of someone else, you forget their voice, and it's you even forget the most precious moments. And then when it's ice cold, I mean, then with everything, with time, even love goes away. Huh? Well, kind of in the same, this is the songs or chansons of that time, where, I mean, they were either extremely, extremely funny and happy, or they had this melancholic streak to them. Quite characteristic for both what Patachou sang and her colleagues. The next one was by Catherine Sauvage, Le Piano du Pauvre. Again, the style is somewhat similar to that of Patachou. And what is the Piano du Pauvre? The piano of the poor man. Well, she says Toscanini doesn't give a hoot about that, but you have it strapped around your waist. And this is a une orgue de barbarie. It's one of those mechanical things that actually you turn a crank, and then little cards or little well, it's like a mechanical piano, only this is a portable mechanical piano. And then that's what this is, and that's kind of upbeat. I mean, a song about the poor who, while listening to this, and this is not Mozart, and Toscanini gives a hoot, but they have fun when they are listening to the Piano du Pauvre. So. Maybe since the in it, the printemps was mentioned in the text by Catherine Sauvage, maybe we should say something about the month of May and the different manifestations and things that happen, especially in France. Oh, I loved May Day with the Muguet. And in France, I mean, the first thing that you want to know about has to do with the 1er May, La Fête des Muguets. Les Muguets are the lily of the valley. Mm-hmm. And these apparently came from Japan very early. Ooh. And they symbolize, well, this can't be from Japan, but because it says these lilies of the valley actually symbolize spring to the Celts. Well, I mean, that they didn't know anything about Japan, so how... Anyway, that we don't worry about that, but they have a very long tradition, and it's always a symbol of spring, and also a symbol of bringing luck, and that was Charles IX, in 1561, he actually declared this 1st of May as May Day, and he had been given a little bouquet of lilies of the valley to bring him luck. And so from then on, he made a tradition of offering all the ladies a little bouquet of muguet. So there were people selling lilies of the valley in the streets that you could buy for friends or family? Well, that's a particular kind of thing, is because there was a ordinance. You can't sell anything in France on the streets unless you have a permit. And basically, you can't sell flowers. But on May 1st, people were allowed to go in the woods and pick the muguet, the lily of the valleys, and then they could sell them on that one day. They could sell the wild muguet and have some income, or at least have the fun of selling it. And there it was allowed. Otherwise, there were nothing. Only certified florists were allowed to sell on stands in the. In Paris, I mean, they are always very exact. It's not permissible to, even when you sell them on the 1st of May, to be near closer than 40 meters from a florist who has a permit. So you better pay, and that's about 120 feet. I used to buy bouquet of anemones. Must have been in the street, or maybe from a shop, I don't know. But, well, that's the way it was. And then, of course, they put... lily of the valleys in their lapels and so on. So, and we'll say something about, this was a fête the muguet, but there's also a fête du travail, which we'll talk about a little bit later, but we should listen to some. On va encore écouter des chansons? Ah, mais oui. Bien sûr. Alors, maintenant c'est Patachou qui va vous chanter Le Bricoleur, suivi par Claude Nougaro, Dansez sur moi. Et ensuite, suivi, La bague à Jules, chantée par, qui c'est? Oh bon, Patachou. Pendant les rares moments de pause, où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Boîte à outils, boîte à outils. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Boîte à outils, boîte à outils. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Boîte à outils, boîte à outils. Mais dans ses calculs, il se trompe, et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. Boîte à outils. C'est commode, je vous jure. Boîte à outils. Et souvent la nuit, je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain requin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur. Thank you.

quand il est levé, d'un air penaud et ridicule, il va voir aux objets trouvés s'il y aurait pas la bagajule. Tenez, l'autre soir, n'y pouvant plus, tremblant comme un calajaunisse et cachant ses gros doigts poilus, il est allé à la police. Et là, au commissaire soufflé, il a dit tant pis, c'est régule. Il y aura 10 sacs pour le poulet qui rapportera la bagajule. Et pendant ce temps-là, pas bien loin, le fortiche qui a fauché la bague se console tout seul dans son coin de l'énormité de la blague. Car sa loupe lui a révélé la vérité sur le bidule. Dans l'histoire, tout le monde est volé. Elle était fausse, la bagajule. Well, since we are going to talk about Fête du Travail, the first song by Patachou was Le Bricoleur, and this is actually a song that is Brassens created the songs. And she sings, well, she sings about how glad she is to have a bricoleur, a handyman at home, and he is all the time fixing something. And, well, I mean, but this goes a little bit far. So, among other things, he invents a machine that will make water from wine, which is, well, maybe not that smart. And then all other kind of mishaps happen, and things explode. So at the end, she says, "What a malheur! Quel malheur! Not bonheur! Quel malheur to have a husband who is a bricoleur, a handyman." Danser sur moi, Claude Nougaro, again another friend or contemporary of Patachou. This is kind of an ambivalent song. Danser sur moi, he is already underground. He's already passed away, and so he asks people to dance on him, on sur moi. And la bagajule is just a blague. Bagajule is the ring of Jules, and she describes the way it goes, passes from one to the other, and in the end, the police finds that this whole thing is just a is counterfeit. It's not. It's a fake. It's jewel. A fake jewel. So, okay. So basically, let me just say something about we talked about la fête des Muguets, but the 1st of May is also the traditional day for the workers' day, and it's being celebrated all over Europe and many other. Practically every other, and it got into disrepute because it was taken over, especially by communist Russia, Soviet Russia. But anyway, it stems from the fact that workers wanted to have an 8-hour day instead of 16 or 12 or whatever it was that they had. And interesting enough, the idea arose in the United States, actually in Chicago, well, throughout the United States. So there was this very hard drive to get in demonstrations to finally get a 8-hour working day. And this was while the only day they had free off was Sunday. This day were 6 days a week, was six times whatever the time was. But that didn't sit well with the people who owned the plants and the factories and so on. So it came to demonstrations, it came to, confrontation. And the most important one, or the most talked about one, is the one in Chicago, where there had been demonstrations, where had been people killed in the demonstrations, and then there was a protest against the killing. These were workers who demonstrated, and then there was a protest against this killing and on the Haymarket, which is the there occurred then the famous Haymarket massacre, in which both police and workers were killed. But the police then identified or simply picked up about 7 or 8 people who were known as anarchists and as without too much proof, And a year later, less than a year later, they were hanged, most of them. Mm-hmm. One escaped because the proof of anything was just too weak. So that's it started in the United States, went across many, and is established in the rest of the world. But here we have Labor Day, which was set 7 months later, on the first Monday of September. Mm-hmm. Merci, Olaf. Il est l'heure de dire au revoir à tout le monde. Au revoir, Olaf. Au revoir, Caril. Au revoir, tout le monde, à nos auditeurs. À la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine. Un peu de jazz.